Je vais vous conter mon histoire que je raconte tous les soirs. Tous ces jeunes du square qui viennent du terroir. En ce moment, on est tous en galère pour payer toutes nos bières. L'autre jour, j'ai trouvé une idée et je vais vous en parler. La vie d'aujourd'hui est plus chère qu'hier. J'ai trouvé la solution pour plus et mon pognon. J'ai plus de problème de fric depuis que j'ai mon alambic. Le patron a appelé les ch'tards pour foutre mitard. À force de me faire crédit, il a mis la clé sous le tapis. D'ailleurs, c'est bien fait pour lui, y'a 3 euros le demi. La vie d'aujourd'hui est plus chère qu'hier. J'ai trouvé la solution pour plus et mon pognon. Que je raconte tous les soirs à tous ces jeunes de la cité qui viennent des vieux quartiers. La beuh non légalisée reste trop cher payée. L'autre jour j'ai trouvé une idée pour niquer ces enfoirés. La vie d'aujourd'hui est plus chère qu'hier. J'ai trouvé la solution pour plus et mon pognon. Oh. J'ai tout plein à fumer. Ah ouais. Depuis que je fais pousser, ça c'est cool. J'écoute du reggae toute la journée. Oh yeah. Et je regarde mes cheveux pousser. On s'allait laver. La vie d'aujourd'hui est plus dure qu'hier. J'ai trouvé la solution contre la dépression. La dépression. C'est quoi ta solution? Je fume du chichon.